Unité 4. Unit 4. George has decided that he needs a dictionary, so Hélène needs to find a bookshop. That shouldn't be too difficult. The hotel reception has a guide to all the shops in the area. Before we join George and Hélène in reception, here are the new words and phrases. Voici les nouveaux mots et phrases. C'est ça. Écoutez le français, l'anglais, le français encore, et ensuite répétez. Nous commençons avec le numéro 45. 45. 45. Loin. Far, a long way. Loin. À pied. On foot. À pied. Êtes-vous à pied? Are you on foot? Or are you walking? Êtes-vous à pied? And finally, the phrase. C'est à 10 minutes d'ici. It's 10 minutes from here. Écoutez encore et répétez. C'est à 10 minutes d'ici. By the way, that's not a fixed phrase. So if something is only 5 minutes from here, you say, C'est à 5 minutes d'ici. And if it's 20 minutes away, you say, C'est à 20 minutes d'ici. And so on.